le grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour, vous êtes de retour à l'émission Le Grain de Sable du groupe Attaque Capitale Nationale. C'est Valérie Blouin qui vous parle et je vous souhaite la bienvenue. Alors, cette émission est préparée par Cédric Leterme et dont la mise en onde est assurée ce soir par notre camarade Jeanne Gutiérrez. Alors, cette première partie d'émission sera consacrée aujourd'hui à Cuba. Alors, il y a eu des récentes réformes initiées par son président Raúl Castro. Alors, des réformes pour ouvrir l'économie qui font couler beaucoup d'encre, autour de l'éventuel démantèlement du modèle cubain. Alors, Cédric Leterme viendra nous parler d'un article paru dans le Monde diplomatique, alors dans le mois d'octobre, qui tente de faire le point sur la question. En deuxième demi-heure, nous serons ensuite rejoints par Nicolas Montrand, notre chroniqueur écologiste, pour une discussion autour des pratiques de la multinationale Monsanto. Alors, tout ceci, bien entendu, après une courte pause musicale, donc restez avec nous sur les ondes de CKRL. Alors, je vous rappelle que c'est une radio qui cultive vos goûts. Au premier temps, ces rêves d'enfant, on avance hésitant, un peu bancal, parce qu'on veut avoir l'air, renifler cette terre, où chaque objet vous ouvre les portes d'un nouvel univers. Deuxième temps, l'ivresse, ces nuits dans l'alcool où j'ai baigné ma jeunesse. Un plongeon dans les eaux troubles pour y rompre la laisse qui relie aux mensonges du premier temps. Des histoires pour enfants qu'on veut foutre en l'air parce qu'on veut avoir l'air, la gueule enfarinée de ces nuits aérées. À boire, à rêver, à ne pas jeter l'éponge, tutoyer les dieux, assis sur le trône du binaire, jouant dans l'osmose, la rage au ventre. Et dans l'attente de monter les marches triomphantes d'être hors de l'affiche, on se voyait déjà, mais voilà, on a trop joué sur les binaires, rêvé en l'air, voir l'univers, l'unique verre de vin en trop, et le sang vous repousse pieds sous terre, en terre les rêves d'enfants, le bien, le mal, oublier le troisième temps, faire le funambule à un prix, la chute, crier dans un micro, avec la rage et les crocs, et le rythme à deux temps s'est écroulé comme un château de cartes, ne plus rien contrôler, tout part en vrac. Plus de rythme à deux pieds pour opposer ses pieds. Une avalanche d'idées, des palais du néant. Pour oublier les temps morts, les temps pis. Envie de faire tout valser, danser. Et danser comme des singes, envie de faire tout valser. Comme un lion dans l'arène, frapper des tambours sur des danses païennes. Et danser comme des singes. Et danser comme des singes, envie de faire tout valser. Comme un lion dans l'arène. Et danser comme des singes. Au troisième temps, le spectacle devient cruel. Au troisième acte, quand on découvre les teneurs de ficelle, des amis qui partent, tombés dans l'oubli, seuls. Et derrière le rideau, c'est comme un coup de poing dans la gueule. Assis sur ses quatre pieds, la tour Eiffel chancelle. Devant un doigt d'ivrogne, tendu vers le ciel. Et les rats s'entretuent pour grimper les barreaux de l'échelle. Les démons s'accumulent au portillon des cervelles. Il faut hisser le pavillon, la belle niche au toutou. Attendant dans l'angoisse que ne revienne la croissance de l'œdème. Dans ce Paris, des petits esprits étriqués comme des fruits confits, confinés dans leur confort de vieilles bières et de barbac, se gaussant comme des macaques. Parce qu'il faut avoir l'air de marcher au binaire sur des marches militaires, courir après le troisième temps qu'on n'attrape jamais. Handicapé, prêt à basculer, c'est la carotte qui nous fait marcher. Le temps qui nous cloue au doigt comme des piliers. La mort s'abat chaque jour à petite gorgée pour oublier les temps morts, les temps pis. Envie de faire tout passer, frapper les tambours et danser comme des singes. We'll be right back. bien, c'était Danser avec Java. Merci, Jeanne. Alors, de retour, chers auditeurs, à votre rendez-vous hebdomadaire du vendredi soir, donc dans l'émission Le Grain de Sable d'Attaque Québec. Il y a à peu près un mois, le gouvernement cubain a annoncé la mise en place d'une importante série de réformes, alors destinée à dynamiser l'économie, en tout cas leur économie, et à diminuer le poids de l'État dans sa conduite, notamment avec la suppression de 500 000 postes dans la fonction publique. Alors, beaucoup ont interprété ces mesures comme le début de la transition de Cuba au capitalisme et à l'économie de marché, mais il semble que la réalité soit un petit peu plus nuancée. Alors, pour en parler, nous sommes rejoints, comme chaque semaine, par Cédric Leterme. Bonsoir, Cédric. Alors, Cédric, tu as voulu nous parler de ce qui se passe à Cuba à travers un article paru dans Le Monde diplomatique du mois d'octobre dernier. Mm-hmm. C'est bien ça. Oui, exactement. En fait, j'ai choisi cet article-là parce que je trouvais qu'il dressait un portrait assez complet et nuancé de ce qui se passe à Cuba pour l'instant, avec les réformes économiques dont tu as parlé, qui ont été annoncées par le gouvernement. C'est vrai que dans le cas de Cuba, on a souvent tendance à entendre des points de vue qui sont particulièrement marqués idéologiquement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Soit on diabolise Cuba ou outrance, soit on l'encense, on l'idéalise un petit peu trop. Et je trouvais que l'article ici, qui a été écrit par Jeannette Abel, qui est professeure d'université en France et qui est spécialiste de l'Amérique latine, je trouvais qu'il évitait justement ce genre de travers-là, puis donnait une assez bonne idée de la réalité de la situation actuelle à Cuba. Pour rappeler à nos auditeurs, donc Cuba, c'est un des derniers régimes socialistes au monde. Tout à fait. Donc, dans l'Amérique du Nord, c'est le seul. C'est le seul, c'est ça. Puis, il y a également eu il y a un embargo américain depuis les années 60, et Cuba survit quand même, malgré qu'ils sont entourés... Coûte, avec le même régime, malgré la chute de l'Union européenne. De l'Union soviétique, pardon, oui, mais... malgré la poursuite de l'embargo et malgré le fait qu'il soit justement le seul régime entouré, évidemment, dans un monde capitaliste, d'autant plus avec la mondialisation. Et c'est le seul régime socialiste, avec aussi la Corée du Nord, qui poursuit toujours sur ce modèle-là, même s'il y a des grosses particularités qui sont vraiment spécifiques au modèle cubain. Alors, c'est quoi justement la situation actuelle à Cuba? C'est avant tout, donc d'après ce que l'auteur explique dans l'article du Monde diplomatique, c'est avant tout une situation de crise objective d'un modèle économique et social. Depuis son entrée en fonction il y a 4 ans, à la suite du retrait de Fidel Castro, qui est son frère, donc Raúl Castro, le nouveau président, a répété à de nombreuses reprises la nécessité de réformes structurelles dans le pays. Alors l'auteur de l'article explique que malgré une certaine embellie dans les années 2000, le pays vit à nouveau une situation extrêmement difficile avec une grosse partie de la population qui parvient tout simplement pas à subvenir à ses besoins de base. Alors elle explique que l'aggravation de la crise, elle est due à plusieurs facteurs. D'une part, on a des facteurs qui sont conjoncturels, avec par exemple la hausse du prix des aliments ou la diminution par contre du prix du nickel par exemple, que Cuba exporte beaucoup. Alors, on a aussi les 3 cyclones qui ont frappé l'île en 2008 et qui l'ont dévastée, ou encore la crise économique mondiale et ses impacts qui se font évidemment ressentir à Cuba aussi comme ailleurs. Mais il y a aussi des facteurs qui sont plus structurels, avec par exemple, on a mentionné l'embargo américain qui étouffe et qui asphyxie vraiment l'économie cubaine depuis sa mise en place dans le courant des années 60, mais aussi évidemment avec des gros dysfonctionnements internes dans l'organisation de l'économie, des gros déséquilibres dans la façon dont l'économie est gérée à Cuba. Et donc c'est un peu ça que le régime cherche à résoudre avec les réformes qui ont été engagées récemment. Mais ces réformes-là, ça consiste en quoi exactement? Mais jusqu'à présent, le gouvernement avait opté juste pour quelques mesures, notamment dans l'agriculture ou dans les services, pour essayer d'encourager un petit peu plus l'initiative privée. Et puis il avait aussi progressivement réduit toute une série de subventions publiques, des aides à la nourriture, distribution de nourriture gratuite dans les cantines pour les entreprises d'État, etc. Donc progressivement, ces 4 dernières années, il avait mis en place ce genre de mesures. Mais ce qu'on voit maintenant avec ce qui a été annoncé en septembre, c'est vraiment une volonté d'aller encore plus loin et de procéder à une vraie réduction considérable des dépenses et de la taille de l'État, qui sont de plus en plus présentées comme vraiment insoutenables. Il faut savoir qu'à Cuba, il y a quand même 80% de la population active qui est rémunérée par l'État, ce qui correspond à peu près 4 400 000 salariés, donc c'est gigantesque, on s'en doute. Tout à fait. Or, d'après les autorités, il y aurait 1 sur 4 de ces travailleurs-là qui seraient excédentaires, qui seraient superflus. Donc d'après les différents organes gouvernementaux, ça justifierait les licenciements massifs qui ont été annoncés. Donc on le rappelle, il y a 500 000 postes qui sont menacés ici avec la réforme qui a été annoncée. Alors l'idée, ce serait que ces personnes-là, elles devraient normalement se réorienter soit vers des secteurs de l'État où la main-d'œuvre est déficitaire, donc il y en a, comme par exemple dans l'agriculture, la construction ou encore l'industrie, ou alors se diriger vers le secteur privé, où ici aussi, l'État a mis en place toute une série de réformes pour élargir les possibilités, puisque évidemment Cuba est un régime socialiste, mais normalement la propriété privée n'est pas autorisée, puis il y a très peu d'activités privées qui sont autorisées, un travail comme indépendant, etc. C'est très difficile. Donc il a par exemple autorisé la location de maisons. Maintenant il y a une certaine partie de la population qui peut louer des maisons, donc ça peut être une manière de subvenir à ses besoins par soi-même. Le gouvernement a aussi autorisé 7 nouvelles activités professionnelles qui peuvent être menées en tant qu'indépendants, comme la profession de comptable ou gardien de parc, des choses comme ça. Et il a aussi levé un moratoire qui pesait sur 29 autres activités professionnelles. Donc je crois qu'en tout, c'est plus ou moins 178 activités privées que les Cubains peuvent maintenant exercer à titre d'indépendants. Et puis dans ces domaines-là, les Cubains peuvent... ils peuvent même embaucher des employés. Là aussi, c'est un gros changement, puisque jusqu'à présent, on ne pouvait pas employer des gens. Ça aurait voulu dire qu'il y a un rapport salarial qui s'instaure. Or ça, bon, c'est contraire au principe socialiste. Et donc, on pouvait juste employer des personnes de sa famille. Bon, maintenant, il y a apparemment la possibilité de pouvoir embaucher des gens pour les activités qui ont été autorisées. Donc, comme le souligne l'auteur de l'article, ben, il s'agit vraiment de toute une série de réformes qui visent à donner une plus grande place au marché et puis à diversifier aussi les formes de propriété. Et dans ce cadre-là, l'État garde évidemment un rôle très important de régulateur, mais on diminue quand même fortement son intervention directe. Ah oui, alors qu'est-ce que ça suscite comme réaction, tout ça? Ben, c'est sûr qu'au niveau international, le cas de Cuba est toujours scruté avec beaucoup d'émotions et beaucoup beaucoup d'émotions. Donc c'est évident que ça suscite toujours une quantité d'avalanches et de commentaires. Et bon, l'auteur pointe que souvent ces analyses-là, elles sont un peu contradictoires. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont sauté sur l'occasion de l'annonce de ces réformes-là pour annoncer ben, la fin imminente du modèle cubain, l'avènement du capitalisme dans ce pays-là, et notamment le très conservateur Wall Street Journal qui a donc fait tout un article là-dessus en écrivant que c'était la fin et que Cuba basculait enfin vers le capitalisme, qui était un peu la triomphe finale du modèle occidental et capitaliste sur le communisme. Alors, et c'est vrai ? Mais c'est vrai, en fait, d'après l'auteur de l'article, c'est effectivement une possibilité qu'il ne faut pas exclure, en tout cas. Donc, elle précise quand même que les dirigeants nient catégoriquement vouloir implanter un modèle capitaliste à Cuba, mais c'est sûr qu'elle explique quand même que les réformes marchandes qui sont introduites dans le pays depuis les années 90, ben, si elles aboutissent à entraîner une place de plus en plus grande du marché en tant qu'agent régulateur de l'économie, et ça sans qu'il y ait de contrôle et sans surtout qu'il existe des mécanismes de démocratie ouvrière, ben ça pourrait finalement aboutir à un changement dans la composition sociale de Cuba, des changements qu'on observe déjà, c'est-à-dire qu'on va voir apparaître ben, une bourgeoisie, on va voir apparaître aussi un développement des inégalités, et ça c'est déjà le cas. Donc si ces changements-là ben, perdurent et s'amplifient, ben ça créerait évidemment de très fortes pressions d'une part idéologique et d'autre part politique, puisque ces nouveaux groupes-là auraient des intérêts à défendre, et donc ça pourrait évidemment entraîner un changement de modèle de Cuba qui tendrait beaucoup plus vers le capitalisme. Alors ça va dépendre un peu, si je comprends bien, ça va dépendre un peu de l'orientation politique qui sera donnée à la suite de ces réformes. Tout à fait. Okay. Mais justement, à l'intérieur de Cuba, les Cubains finalement, comment est-ce que c'est vécu ces réformes-là? Ben, c'est d'abord vécu avec beaucoup d'inquiétudes chez beaucoup de personnes, évidemment, et en particulier au sein des catégories les plus défavorisées de Cuba, qui bien sûr ben, sont celles qui dépendent en fait le plus directement de l'aide de l'État pour survivre. Donc elles sont vraiment inquiètes de voir que l'assistance de l'État diminue, toute une série d'aides publiques sont en train de disparaître. Il y a quand même 20% de la population cubaine qui vit en dessous du seuil de pauvreté, même si on rappelle souvent que c'est un chiffre qui est extrêmement faible comparé à d'autres pays de la région et même au niveau mondial. C'est vraiment un des accomplissements majeurs de Cuba d'avoir pu réduire la pauvreté à ce point-là, surtout quand on connaît sa situation économique, justement, hein, qui est quand même assez catastrophique. Donc ça, c'est un des gros acquis du modèle cubain, mais il n'empêche que pour ces 20% plutôt de personnes qui vivent dans la pauvreté, les réformes engagées, elles posent vraiment un risque réel, et elles posent aussi un risque pour les personnes qui vivent un peu sur la limite, quoi. Alors, à côté de ces personnes-là, donc, qui sont particulièrement inquiètes, il y en a aussi beaucoup qui critiquent ouvertement, qui sont en colère, non seulement sur le contenu des réformes. Il y en a beaucoup, par exemple, qui disent que c'est absolument irréaliste de croire que les 500 000 postes qui ont été supprimés, les gens qui les occupaient vont se reconvertir miraculeusement dans la construction ou quoi. Il y en a beaucoup qui disent que c'est absolument pas réaliste. Et à côté de ces critiques-là, il y en a aussi qui critiquent la façon dont les réformes ont été décidées et imposées, c'est-à-dire que ça a été fait d'une manière très bureaucratique, de manière très centralisée et sans qu'un réel débat ait lieu. Sur ce point-là, ce qui est intéressant dans ce que l'auteur de l'article dit, c'est que ça fait des années que la crise économique à Cuba suscite tout un débat sur la stratégie de développement adoptée dans le pays et sur la meilleure façon d'essayer de préserver les conquêtes sociales tout en dynamisant un petit peu le régime. Et donc, d'après l'auteur, il existe en fait au sein même du régime, donc à côté des dissidents qui n'ont pas vraiment place à la parole, mais au sein même du régime, il existerait en fait trois groupes, trois orientations différentes sur la suite à donner, quoi. Alors, très intéressant. Avant de poursuivre là-dessus, on va se quitter un instant le temps d'une pause musicale. On se retrouve tout de suite après avec Cédric Leterme, donc pour en apprendre davantage sur le dossier sur les réformes à Cuba. Alors, à tout de suite. Thank you. C'était le Chan-Chan avec la Buena Vista Social Club. Merci, Jeanne. Alors, on a reconnu ce célèbre groupe cubain. Merci pour ce choix musical. De retour au Grain de Sable sur les ondes de CKRL, vous êtes toujours en compagnie de Valérie Blouin au micro et Cédric Leterme avec la chronique qui est en train d'évoquer la série de réformes qui a été annoncée à Cuba ces derniers temps. Alors, on discutait de tout ça. Et c'est à partir d'un article d'une universitaire spécialiste de l'Amérique latine, Madame Jeannette Abel. C'est paru dans Le Monde diplomatique du mois d'octobre. Alors, Cédric, tu nous disais que l'auteur de l'article distinguait trois orientations distinctives au sein même du régime en ce qui concernait la stratégie adoptée pour réformer Cuba. Alors, ce serait quoi ces fameuses orientations? Le premier groupe, ce serait le groupe des dirigeants, qui sont, eux, partisans de réformes de type libéral, comme celles qui ont été annoncées jusqu'à présent. Bon, la plupart des personnes qui sont dans ce groupe-là sont des gestionnaires issus des forces armées. Ça a été renouvelé suite à l'arrivée au pouvoir de Raúl Castro, qui était auparavant en charge de l'armée, justement. Alors, en gros, pour eux, le problème, ce serait l'égalitarisme et le paternalisme, entendu, par contre, comme une protection sociale excessive et pas comme une confiscation du pouvoir. Donc, c'est assez important comme distinction. D'après l'auteur, ils n'essaient pas vraiment de comprendre pourquoi la productivité du travail est si faible à Cuba, ni pourquoi le système est si inefficace. Ils se contentent en fait de blâmer le manque de motivation des travailleurs, ce qui crée quand même assez pas mal de mécontentement au sein de la population. Donc ce ne serait pas efficace, le système? Non, le système cubain est clairement inefficace. Ils ont une des productivités par travailleur les plus faibles au monde, et au niveau de la production agricole aussi, c'est la même chose. Donc ils n'ont pas vraiment cherché à savoir pourquoi. Donc ils blâment juste vraiment le manque de motivation des travailleurs. Ce qu'on peut entendre au sein de ce groupe-là, c'est des affirmations comme quoi Cuba devrait s'adapter aux exigences de la mondialisation, comme le Vietnam ou la Chine, ce qui traduirait en fait une certaine, bon, ça c'est l'interprétation de l'auteur de l'article, ça traduirait une certaine crainte de la part des personnes de ce groupe-là face à la grande dépendance du pays, notamment vis-à-vis du Venezuela. Ils auraient peur que d'être liés à un seul pays, ça les affaiblisse, donc ils seraient partisans plus d'une ouverture commerciale plus général au niveau du commerce mondial pour éviter un scénario déjà vécu à Cuba comme c'était le cas lorsque l'URSS était leur principal allié commercial. Une fois que l'URSS s'est effondré, Cuba s'est vraiment retrouvé mal pris. Donc ça traduirait un petit peu cette crainte-là dans le chef de ce groupe de dirigeants-là. Donc ça c'est pour le premier groupe. Le deuxième groupe, qu'on pourrait appeler le groupe conservateur, lui il est composé des responsables du Parti communiste cubain. Il est opposé à toute réforme. Donc eux, ils sont vraiment partisans du statu quo pur et simple. Ils ont vraiment été traumatisés par ce qui s'est passé en URSS sous Gorbatchev. Donc ils ont vraiment peur que si on initie des réformes et si on lance un mouvement de réforme, ça va leur échapper, et ça va devenir hors de contrôle et puis on risque d'aboutir à une situation comme l'URSS où le régime s'effondre purement et simplement. Donc d'après l'auteur, ce groupe-là, il s'exprime assez peu, il intervient assez peu dans le débat, parce qu'au final, il n'y a pas grand-chose à dire, à part le fait qu'il ne veut pas que ça change, mais il représente une force d'inertie considérable au sein du régime cubain. Donc c'est quand même un groupe qui est assez important. Et puis enfin, le troisième groupe, elle le qualifie de participatif. Lui, il est nettement plus hétérogène dans sa composition. On y retrouve des intellectuels, on y retrouve des étudiants, des militants du Parti communiste cubain ou encore des artistes. Et eux, en fait, ce qu'ils prônent, c'est vraiment un approfondissement de la démocratie politique et sociale à Cuba, que ce soit à la fois dans les institutions, mais aussi dans les lieux de production. Donc ça, c'est peut-être le groupe qui est le plus bouillonnant au niveau des idées. Par contre, l'auteur souligne que le problème principal de ce courant-là, c'est malheureusement son hétérogénéité, c'est qu'il vraiment c'est plein d'intérêts un petit peu épars, qui ont un peu de mal à se rassembler autour d'intérêts concrets et un peu plus uniques. Alors, ces trois groupes-là, ou en tout cas trois orientations-là à Cuba, là, comment ça se répercute sur la scène politique nationale, ces débats-là? C'est justement ça un peu le problème que soulève l'auteur. C'est sûr que Cuba étant ce qu'il est, c'est pas un régime très démocratique, c'est le cas de le dire. Donc, socialiste, mais moins démocratique. Voilà, très peu démocratique. Donc, c'est sûr que c'est pas vraiment un régime favorable au débat par essence. Donc apparemment, d'après l'auteur, le débat a quand même bel et bien lieu. On l'a dit, hein, les trois orientations que je viens de décrire, elles se retrouvent au sein même du régime. Donc c'est pas le fait de dissidents qui, eux, sont purement et simplement écartés du débat. C'est vraiment au sein du régime qu'on le retrouve. Donc il y a dissidents sont vraiment. Ah eux, on les écoute forcément pas, même la plupart du temps. Il y a quand même des dissidents politiques. Là, oui, oui tout à fait. Il y a encore des prisonniers politiques à Cuba, même s'il y en a certains qui ont été libérés récemment. Ça demeure que bon, il y a quand même une grosse censure à Cuba et une tendance à limiter sérieusement la liberté d'expression. Donc le débat a quand même lieu, je disais, au sein du régime. Il a lieu par exemple dans les universités. Il y a lieu aussi dans des revues qui sont reconnues. Sur Internet aussi, puisqu'il y a quand même une grosse partie des Cubains qui sont connectés, ou encore par l'intermédiaire de l'Église, qui a essayé aussi d'organiser des débats, qui a quand même un rôle bizarrement assez important sur l'île. Alors, par contre, s'il a bien lieu dans tous ces endroits-là, il n'est pas repris dans les grands médias nationaux, donc il n'est pas répercuté vraiment au sein de toute la population, ce qui témoigne quand même d'une certaine fermeture de la part du gouvernement face à ce débat-là, alors que le gouvernement se prétend au contraire ouvert au débat et juge que ce débat est nécessaire, ce qu'ils l'ont dit, on peut juger que c'est cynique, mais le gouvernement prétend ne pas avoir, lui, toutes les solutions et toutes les mesures à adopter clés en main, donc il estime que c'est nécessaire d'avoir un débat au sein même de la société cubaine sur comment ils évoluent, mais malheureusement pour l'instant c'est pas le cas, donc... En tout cas, d'après ce que l'auteur dit, donc ces questions ont un petit peu de mal à faire l'objet d'une discussion qui impliquerait vraiment tous les secteurs de la société cubaine. Alors, très, très, très intéressant, hein, Cédric, tout ça. Donc, on va rester attentif sur ce qui va se passer là-bas, voir un peu quelle orientation ils vont choisir, finalement. Ouais, on ne sait pas si la population cubaine va pouvoir, en totalité, va pouvoir y participer, on l'espère. Donc, pour terminer cette première partie d'émission, avant de rejoindre Nicolas Montrand et sa chronique environnement, tu voulais revenir brièvement sur le projet de loi C-300. Donc, on avait parlé il y a à peu près 2 semaines de cela avec Daniel Allaire de Développement et Paix. Oui, tout à fait. Juste pour rappeler, pour ceux qui ne nous avaient pas suivis il y a 2 semaines, on a reçu en fait ici à l'émission donc Monsieur Daniel Allaire, qui est un militant de Développement et Paix. Et il était venu pour nous parler de la question de la responsabilité des entreprises extractives canadiennes et notamment à l'étranger, en ce qui concerne leur comportement à l'étranger. Donc on parle bien des entreprises minières. Voilà, ça vise en premier lieu les entreprises minières. Il nous expliquait qu'il y avait énormément de problèmes qui entouraient l'attitude de ces compagnies-là et la façon dont elles se comportaient, notamment à l'étranger et en particulier dans les pays du Sud, où leur activité avait souvent pour conséquence de saccager l'environnement, de bafouer les droits humains, de corrompre les gouvernements locaux, etc. Donc, il nous avait vraiment fait un portrait assez peu reluisant des pratiques de l'industrie. Il y a notamment un rapport qui est sorti il n'y a pas longtemps, il y a à peu près un mois, il me semble, et qui établissait qu'un tiers des plaintes qui concernaient cette industrie-là au niveau mondial impliquaient en fait des entreprises canadiennes. Donc, c'est vraiment un résultat qui est assez accablant pour les compagnies extractives au Canada. Alors face à cette situation-là, Monsieur Allaire nous avait parlé de la campagne qui était en cours au moment où il était venu nous en parler pour soutenir l'adoption par le Parlement fédéral du projet de loi C-300, c'est comme ça qu'il s'appelait, qui devait mettre en place différents mécanismes pour renforcer la responsabilité sociale de ces entreprises donc extractives. Il faut quand même préciser que c'était un bon début, mais ça allait même pas suffisamment loin selon beaucoup d'observateurs. Mais en tout cas, c'était une première étape qui était vraiment jugée nécessaire par beaucoup de personnes qui sont impliquées dans ces questions-là. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que malheureusement, j'ai appris hier par l'entreprise de Développement et Paix que le projet de loi avait été défait en troisième lecture par une courte majorité quand même. Je crois que c'était 134 voix contre, 130 voix pour, puis 30 abstentions, ce qui est quand même assez triste. À peine, hein? Donc ouais, c'est vraiment joué à peu de choses, mais voilà, le projet est pas passé, malgré le fait que c'était pas si ambitieux que ça, donc c'est doublement triste. C'est vraiment une grosse déception, en tout cas, pour tous ceux qui soutenaient cette initiative-là. Il y a vraiment eu une grosse mobilisation pourtant autour de cet enjeu, une mobilisation citoyenne, que ce soit autant à l'intérieur du Canada qu'à l'extérieur. Il y a des organisations de pays du Sud, il y a même des pays du Sud qui ont communiqué avec le Parlement fédéral pour soutenir cette initiative en disant que pour eux, c'était vraiment important que ça passe. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc ça va certainement pas contribuer à rehausser l'image du Canada au niveau international, qui, on le sait, est déjà assez écorné pour toute une série de dossiers. Ceci dit, le débat ne s'arrête pas là, évidemment. Parfait. Les différents organismes qui suivent un peu ces questions-là, ils vont rester mobilisés, puis ils vont probablement organiser d'autres campagnes et revoir un petit peu leur stratégie pour voir comment ils vont poursuivre le combat. Donc on sera sûrement amené à en reparler ici dans l'émission. Tout à fait. Alors, espérons que ce sera pour annoncer de meilleures nouvelles. Alors, c'est décevant, mais on lâche pas. Alors, merci Cédric. On va devoir s'arrêter là, le temps d'une pause publicitaire. On se retrouve après avec Nicolas Montrand pour parler de la multinationale Monsanto. À tout de suite. Vous pourriez vivre vos rêves les plus fous. Parce que ce vendredi, le gros lot du Loto Max est de 50 millions, plus les Max Millions, évalués à 11 lots additionnels de 1 million de dollars. Chaque vendredi, les soirées du bleu ou noir de CKRL sont présentées par le Bal du Lézard. Un lieu de rencontre culturelle, branché art et musique. Un environnement idéal pour refaire le monde en bonne compagnie. Le Bal du Lézard propose aussi des amuse-gueules tels que pizza et hot-dog européens, ainsi que les meilleurs produits de microbrasserie et une imposante gamme de vodka. Entrez dans la danse du bal avec comme trame sonore les vendredis du bleu au noir à CKRL. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, 88 529 3829. Les vendredis à CKRL, la soirée se décline du bleu au noir. 18h30, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous proposent les meilleurs rythmes groove avec 100% dynamite. 20h, l'incontournable soirée blues de Michel Dubois, rue d'Auteuil. 22h, on tombe dans le noir. L'univers métal de Démentiellement Vôtre avec Olivier Bercelli. Minuit, la filière métal se poursuit avec Fantasmagorie, animée par Éric Lizotte. Le vendredi soir dès 18h30, cultivez vos goûts. La soirée du bleu au noir est une présentation du Bal du Lézard. 1049 3e Avenue, 88 529 3829. Le Bal du Lézard. Vous êtes toujours à l'écoute du Grain de Sable ici à CKRL 89.1 pour la deuxième partie d'émission. Alors, on est rejoint par Nicolas Montrand, notre chroniqueur environnemental. Bonsoir Valérie. Bonsoir Nicolas. Alors, tu voulais nous parler de la multinationale Monsanto. Oui, je voulais parler de Monsanto. Alors, parce que... Oui. On entend beaucoup parler, c'est... Pas forcément ces derniers temps, mais moi personnellement, j'en ai beaucoup entendu parler à droite, à gauche. Vous savez, je voulais vraiment savoir, bon, Qu'est-ce que Monsanto? Qu'est-ce qu'ils ont fait, etc. Alors, quand on se rend sur leur site de Monsanto, Monsanto se dit comme une entreprise qui se dit compagnie agricole dont l'objectif est d'aider les paysans à produire des aliments plus sains, tout en réduisant l'impact de l'agriculture sur l'environnement. Mm-hmm. Alors, ça paraît bien beau comme ça, mais à la base, quand on cherche un peu, en fait, c'est une entreprise de produits chimiques qui a été créée en 1901, qui s'est au fur et à mesure, en fait, spécialisée dans les biotechnologies végétales pour au final devenir une des plus grandes entreprises chimiques du monde, et non pas forcément agricole. Donc si on en entend autant parler, c'est aussi parce qu'elle a été accusée de promouvoir des produits nocifs pour la santé et l'écosystème, et de falsifier ses enquêtes scientifiques. Mais Monsanto est surtout le leader incontesté des cultures transgéniques, qu'on appelle aussi les OGM, à travers la planète, ce qui lui permet en fait d'imposer ses conditions à l'ensemble des paysans du monde. Alors, ce serait quoi les différentes polémiques qu'on a entendu parler là, les derniers temps autour de Monsanto? Alors, il y a eu plusieurs affaires qui traînent autour de Monsanto, ou dans laquelle plutôt Monsanto traîne. Donc, la première grosse, en fait, qui a fait parler d'elle, c'était sur son utilisation irresponsable de PCB. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est le PCB? En fait, ce sont les huiles chimiques isolantes qui sont utilisées dans les transformateurs électriques et qui ont été, en fait, le produit phare de l'entreprise pendant une cinquantaine d'années jusqu'à son interdiction, au début des années 80. Alors, il y a une ville qui a été vraiment la victime de ces PCB, c'est celle d'Anniston, en Alabama, aux États-Unis, puisque Monsanto y a enterré des masses de PCB là-bas et en a versé dans les canaux des quartiers pauvres de la ville. Étonnant, oui. Donc, et peu après, en fait, ces activités, il y a eu un grand nombre de cas de cancer qui se sont déclarés, justement à proximité des enfouissements. Or, Monsanto savait pertinemment les risques sur la santé de l'exposition aux PCB, et personne n'a été mis au courant de ces activités, sauf l'État. Mais l'État n'a pas pris la peine non plus d'en avertir la population. Alors on a comme gardé ça sous couvert, silence. Ben on non, ça n'a pas été possible vu le nombre de cas de cancer qui sont développés et la mobilisation des citoyens. Et justement, c'est en 2001 que, après plus de 20 000 plaintes contre elle, Monsanto en fait a été condamné à verser 700 millions de dollars d'indemnisation pour les victimes, à décontaminer la région et à construire un hôpital spécialisé pour les victimes du PCB. Mais et il y a toujours un mais, forcément, parce que ce serait trop beau. Aucun dirigeant n'a été poursuivi. Mm. Et de toute façon, la somme des dédommagements en fait, n'est rien comparé au profit lié à la liberté de pollution que s'est accordée la firme en fait, pendant plusieurs décennies. Et malgré les risques de contamination, de plaintes et de dédommagements, il se trouve que le secret semble profitable. Mm, tout à fait. Alors, mais Monsanto, il ne s'est pas limité à faire des profits grâce au manque de sécurité vis-à-vis de la pollution? Ben non. Alors, il y a une autre grande affaire qui concerne en fait l'hormone de croissance bovine, ou scientifiquement appelé le RBGH ou le nom commercial le Posilac, qui est en fait une hormone transgénique injectée aux vaches pour améliorer la production laitière de 20%. Encore une fois, c'est une menace pour la santé humaine, justement vu le nombre de cas de cancer variés que ça provoque, mais aussi pour les animaux, puisqu'on a pu observer des récurrescences dans un changement physiologique des vaches, notamment via la déformation des pies, et ça a aussi causé des graves problèmes de reproduction. Donc aujourd'hui, cette hormone a été interdite en Europe et même au Canada. Même au Canada? Oui, grâce à trois scientifiques de Santé Canada qui ont lancé l'alerte sur les dangers de cette hormone. Quand ils s'en sont rendus compte, ils n'ont pas pu se taire. Et ils en ont aussi profité pour parler des pressions internes au gouvernement et les pressions externes, en fait, qui les ont incités à justement ne pas parler de ce danger. Donc, l'hormone a été interdite, mais les trois scientifiques, en fait, ont été licenciés peu de temps après. Donc, eux travaillaient pour Santé Canada. Eux travaillaient pour Santé Canada, oui. D'accord. Donc, il y a aussi une autre affaire qui est l'affaire de la dioxine, qui est aussi une grande polémique dont Monsanto est l'acteur principal. Alors, de quoi s'agit-il? Alors, Monsanto a créé un produit qui s'appelle le 2,4,5-T, qui est un peu compliqué. Alors, dioxine, on comprend bien. Voilà. En fait, c'est le 2,4,5-T contient de la dioxine, qui est un produit hautement cancérigène. Et le 2,4,5-T, et c'est là où on tombe dans des thèmes plus connus, en fait, est la composante principale de ce qu'on a appelé l'agent orange. Oui, oui, oui. Et l'agent orange, en fait, c'est le défoliant qui a été massivement utilisé par l'armée américaine durant la guerre du Vietnam. Vous savez, ils parcouraient les forêts vietnamiennes. Ils semaient leur agent orange pour que, justement, toutes les feuilles tombent et qu'on puisse mieux repérer les ennemis. Donc, en 1960, ils ont versé 40 millions de litres de 2,4,5-T dans le sud du pays, soit ce qui est l'équivalent de 400 kilos de dioxine pure. Donc, ça a provoqué à peu près 3 millions de contaminés, dont beaucoup de soldats américains. Encore, et 40 oui. ans après cette guerre, en fait, la dioxine continue à faire des effets au Vietnam, même aujourd'hui. Ah oui. Donc, malgré les manifestations des vétérans de la guerre en 78, en fait, Monsanto persiste à montrer la dioxine comme un produit non néfaste pour l'homme. Mais alors, comment ça se fait que Monsanto continue d'exister malgré toutes ces accusations? Bah oui, ce serait trop beau si ça arrêtait d'exister. Mais alors, en fait, c'est ça la grande force de Monsanto, c'est que Monsanto a toujours entretenu des rapports très intimes avec la FDA. Qu'est-ce que c'est la FDA? Je vais dire FDA pour la suite de l'émission, ce sera plus simple. C'est la Food and Drug Administration, qui est en fait l'équivalent de l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments. Or, la FDA, c'est l'institution par laquelle passe toute commercialisation de nouveaux produits technologiques touchant la biotechnologie. Un peu comme Santé Canada. Alors, sans l'aval de la FDA, en fait, Monsanto n'aurait jamais pu se développer. Mmh. Et ils sont sombres. En fait, Monsanto s'est donc arrangé pour s'introduire au sein de la FDA, notamment avec le phénomène des portes tournantes. Qu'est-ce que tu veux dire? Alors, les portes tournantes, c'est quand il y a un mélange entre politique privée et politique publique. Mm-hmm. Plus concrètement, on parle de portes tournantes quand, en fait, un employé d'une grande firme change de poste pour passer dans une branche du gouvernement qui est en rapport direct avec les activités de son ancien employeur. Mmh. Et vice-versa, lorsqu'un membre du gouvernement passe dans une entreprise qu'il a pu promouvoir grâce à ses anciennes fonctions officielles. Donc on a pu l'observer beaucoup de fois, bizarrement. Des exemples aux États-Unis, des exemples. On peut voir avec Dick Cheney, qui est un peu l'exemple le plus frappant, le plus connu, qui a fait des allers-retours entre la présidence de Halliburton et le gouvernement américain. Et on peut le voir avec Donald Rumsfeld, qui a été aussi dans le conseil d'administration de Searle, si je me trompe pas, qui est une filiale aussi de Monsanto. Et ces exemples, on peut les trouver avec beaucoup de nombre d'employés de Monsanto qui sont retrouvés à des postes clés, en fait, au sein de l'administration de la FDA, puis de temps en temps aussi de retour à Monsanto. Donc le développement, et puis ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le développement de la biotechnologie est tellement profitable pour le gouvernement américain qu'il préfère fermer les yeux sur les risques sanitaires et environnementaux. Mais Nicolas, comment Monsanto et le gouvernement américain arrivent-ils à rester scientifiquement crédibles? Mais ils le sont plus, en fait. Non, okay. Ils le sont vraiment plus. Parce qu'en fait, il y a tellement eu d'enquêtes scientifiques qui ont été produites par Monsanto qui ont été réfutés de nombreuses fois. Il y a beaucoup, en fait, de scientifiques indépendants, de laboratoires indépendants qui ont cherché à prouver que le FDA a pertinemment menti à sa population. Malheureusement, tous ceux qui ont cherché à dénoncer les analyses scientifiques malhonnêtes de Monsanto ou de la FDA se sont fait licencier peu de temps après leur annonce. Donc, et malheureusement aussi, les cas de discréditation médiatique sont aussi malheureusement nombreuses. Mais de quoi vit Monsanto aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, Monsanto, c'est les OGM. Ou plutôt, les OGM, c'est Monsanto. Donc, on a eu le PP, comment tu l'as dit, le PCC? Le PCB. Oh, PCB, excusez-moi. Oui. Chers auditeurs, excusez-moi. Alors, le PCB, les hormones les de... Les hormones bovines. Les hormones bovines. Et maintenant, on a l'OGM. Alors, le problème des OGM, c'est que les OGM de Monsanto, en fait, sont répartis sur toute la planète. Surtout en Amérique du Nord, du Sud et en Asie. Et depuis plus de 10 ans, en fait, les cultures transgéniques sont étendues sur plus de 100 millions d'hectares. 70% sont résistantes au Roundup, mm-hmm. et 30% ont été manipulés génétiquement pour fabriquer un insecticide appelé le BT. Alors, je vais couper cette chronique pour faire une petite pause publicitaire. Alors, très intéressant, Nicolas. Alors, on va revenir en force avec les OGM et le Roundup, savoir qu'est-ce que c'est. Alors, tout de suite après la pause. Combien d'êtres humains ne sont pas des moutons lourds? Combien de nations respectent la population? Est-ce que c'est demain qu'on broutera le gazon? Que les nouveaux bergers gardent sur leur montagne de pognon lourd? Les chiens qui nous surveillent sont issus de la science. Combien de satellites au-dessus de la France? Combien au-dessus de l'Afrique pour gérer ces mouvances du Zaïre au Rwanda? Un troupeau en errance quelque part en Irak, un vieux berger en démence et tous ces ovinés de Bosnie, du Tibet qui meurent dans les abattoirs des nouveaux bergers. Combien d'êtres humains ne sont pas des moutons lourds? Combien de nations respectent la population? Est-ce que c'est demain qu'on boutera le gazon? Que les nouveaux bergers gardent sur leur montagne de pognon lourd? Sur les troupeaux affamés, et bien que la tonte ait lieu chaque hiver, chaque année, tout le monde sait bien ce que le berger pense, un pull pour l'hiver et couvrir ses dépenses. Sur les babines, prêts pour le grand festin. Combien d'êtres humains sont pas des moutons. Combien de nations respectent la population? Est-ce que c'est demain qu'on broutera le gazon? Que les nouveaux bergers gardent sur leur montagne de pognon? Combien d'êtres humains ne sont pas des moutons? Combien de nations respectent la population? Est-ce que c'est demain qu'on broutera le gazon? Que les nouveaux bergers gardent sur leur montagne de pognon? Combien d'êtres humains ne sont pas des moutons? C'était les nouveaux bergers avec Trio. Merci Jeanne. Alors, on est de retour, Valérie Blouin au micro, et avec Nicolas Montrand, chroniqueur environnemental, qui nous parle aujourd'hui de la multinationale Monsanto. Mm-hmm. Alors, tu nous disais dernièrement, donc là, Monsanto vit, donc il était vraiment connu par les PCB. Donc, si tu veux nous malheureusement rappeler, connu. Oui, malheureusement connu, et que Monsanto est beaucoup plus une entreprise de produits chimiques qu'agricole, malgré le fait qu'il se prennent beaucoup plus pour qui aident beaucoup le monde agricole. Est également connu par l'hormone bovine transgénique, mais et aussi l'agent orange qui a été utilisé à la guerre du Vietnam, donc toujours associé à de la polémique et également associé au gouvernement américain avec la FDA, donc qui ressemble un petit peu à la Santé Canada. Exactement. Alors, beaucoup de polémiques autour de cette multinationale-là. Et donc, tu nous disais que, tu nous parlais dans le fond que maintenant, après avoir fait des milliards de dollars et des beaucoup de profits sur ces agents-là, maintenant, c'est autour des OGM. Maintenant, ils veulent nous vendre des OGM et c'est bon pour la santé. C'est pas qu'ils veulent nous vendre, c'est que c'est déjà vendu en plus. Le processus est déjà lancé. Et en fait, ce qui leur a permis de vendre des OGM, c'est vraiment le Roundup. Alors, et c'est ce qui a fait connaître aussi Monsanto ces dernières années, depuis les années 80. Alors, le Roundup, qu'est-ce que c'est? C'est aussi appelé le glyphosate, mais on connaît plus ça communément sous le nom de Roundup. Donc, c'est vraiment le produit phare de Monsanto depuis les années 80. Alors, c'est un herbicide qui est très puissant, qui est dit non sélectif ou total. C'est-à-dire qu'il ne choisit pas ce qu'il détruit puisqu'il tue toutes les plantes qu'il touche finalement. Mmh. Et c'est l'herbicide le plus vendu depuis les années 30. Et dès les années 70, en fait, 1974, pardon, dès qu'il sort, en fait, il fait un tabac car il est affirmé comme étant neutre pour l'environnement, biodégradable, etc. Or, c'est loin d'être le cas puisque contrairement à ce qu'affirme Monsanto, en fait, le Roundup n'est non seulement pas biodégradable, pardon, mais en plus, il est dangereux pour l'homme. Ah oui, alors il est très utilisé, par contre. Il est énormément utilisé, oui. Chez les agriculteurs, en tout cas, les horticulteurs. Oui. Alors, le rapport avec les OGM? Alors, en fait, le rapport avec les OGM, c'est que les OGM de Monsanto ont été élaborés pour résister au Roundup. Donc, les premiers OGM qui sont sortis, en fait, c'était les OGM de soya. Mmh. Qui en fait ils ont été vendus comme les soya comment on appelle ça les ready soya, je me rappelle plus exactement du nom, mais en fait le principe c'est que les paysans en fait arrosent leurs champs de Roundup sur leurs champs OGM pour que seule la plante qui résiste au Roundup puisse tenir debout finalement, donc ça élimine tout sauf la plante OGM. Donc en fait, c'est Roundup et les OGM ont été comme promus en parallèle. Mais en fait, les OGM, ça a vraiment éclaté depuis les débuts des années 90. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, c'était une promotion en parallèle. Donc l'un ne va pas vraiment sans l'autre, en fait. Alors, ça prend du Roundup pour faire pousser des OGM? Non, c'est pas vraiment ça, en fait. Oh, okay. C'est qu'ils se sont servis du produit Roundup pour promouvoir, en fait, les OGM. D'accord. Est-ce qu'il y aurait des dangers cachés avec les OGM? Alors, bon, il y a un gros débat aujourd'hui sur les OGM, entre les pro-OGM ou les anti-OGM. En fait, il y en a beaucoup, mais on ne les connaît pas, et c'est ça le danger, c'est que on commence doucement à observer des déformations au niveau des plantes qui sont OGMisées à force de déformations génétiques, en fait. Mais parce qu'on peut observer notamment des cas en Amérique latine où on voit des branches de maïs qui poussent en triple et qui poussent de travers, ou des chantiers qui commencent à mourir parce qu'il y a des erreurs génétiques, parce que l'homme s'amuse un petit peu trop dans les gènes alors que c'est un domaine très très très complexe. Mais en fait, sur la santé humaine, on n'a rien observé concrètement, mais le danger c'est qu'il va falloir attendre plusieurs générations avant de voir les vraies conséquences des dangers des OGM. Alors, en fait, ce qu'il y a aussi, c'est que le danger des OGM n'est pas tant sanitaire aujourd'hui, plus dans quelques générations, mais aujourd'hui, il est plus financier. Ah oui, financier ? Ouais, il est vraiment financier parce qu'en fait, Monsanto tient le monopole du marché des OGM à travers le monde et se permet en fait d'extorquer ses propres clients. En fait, ça a commencé aux États-Unis où les paysans qui ont accepté de passer aux OGM, en fait, se sont engagés à respecter les conditions de Monsanto. Alors, grâce au droit de propriété intellectuelle sur les OGM, en fait, les paysans n'ont pas le droit de replanter les semences OGM des années passées et doivent forcément obligatoirement racheter des graines à Monsanto chaque année. Et Monsanto, vous allez me demander, mais comment ils font pour vérifier ? Ils peuvent vérifier puisqu'ils ont les moyens d'engager du monde pour ça. Ils ont toute une armée de contrôleurs, armée de contrôleurs qu'on appelle aussi plus communément la police des gènes. Ah oui. Alors, malgré le fait que Monsanto ait affirmé qu'il ferait sur leur site, on peut voir ça, nous ferons preuve d'indulgence envers les paysans qui ont des traces d'OGM dans leurs champs. En attendant, à date, ils ont mené des centaines de procès. Ils ont expulsé nombreux paysans de leur terrain. Mais ils ne sont pas arrêtés là non plus, puisque Monsanto a aussi mis au point des OGM qui sont contagieux. Donc ça se transmet en fait. Si un paysan a décidé d'avoir des plantes OGM, du maïs OGMisé, ça se transmet du champ voisin au champ voisin au champ voisin. C'est sûr, le vent existe. Le vent existe, puisque le pollen se déplace, et c'est comme ça que les plantes se reproduisent traditionnellement. Originellement, oui. Donc, une plante se reproduit. Voilà. Il y a des graines. Originalement, voilà. C'est la nature qui fait se régénère. Mais là, non. Or, Monsanto, avec ses champs d'OGM qui se reproduisent, se permet d'aller faire des procès aux personnes qui ont des traces d'OGM dans leurs champs. Et en fait, ces actes qui sont rendus vraiment légaux grâce au gouvernement. Et en fait, aujourd'hui, les paysans américains sont rendus complètement dépendants de Monsanto, qui contrôle en fait tout le marché des semences aux États-Unis. Et le reste du monde ? Et c'est là le pire. C'est que cette technique de contamination, s'est étendue comme un virus sur toute la planète. Et les gouvernements, qu'ils voulaient ou non, se sont fait ont attrapé la maladie des OGM, si on peut le dire, quoi. Car en fait, même les États qui ont refusé l'importation des semences transgéniques, comme le Mexique ou le Paraguay, qui sont des exemples connus, ont dû céder, puisque la contamination OGM a tout de même traversé leurs frontières. Ah oui. Donc, il faut savoir aussi que le rendement des cultures OGM est tellement efficace, qu'il permet de baisser les coûts de production des aliments de moitié, ce qui permet de séduire les gouvernements peu scrupuleux également. Donc aujourd'hui, Monsanto peut se permettre de réclamer des royalties. Les royalties, c'est les droits de propriété intellectuelle qui peuvent se permettre de réclamer puisqu'ils voient que leurs gènes sont présents dans différents champs sur la planète. Wow. Donc ils peuvent se permettre de réclamer ces royalties à la majeure partie des paysans du monde, en fait, qui causent, comme on le voit notamment avec des exemples en Inde, qui causent des dettes, des expulsions, puis c'est des hausses du taux de suicide absolument atroces, quoi. Donc, en fait, cette question de brevetabilité du vivant, c'est comme ça que c'est vraiment le débat, c'est le débat de la brevetabilité du vivant, à laquelle Attac s'oppose également vivement. En fait, c'est vraiment l'objet d'un débat éthique acharné entre les pro-OGM et les anti-OGM. Il y a beaucoup de groupes, en tout cas d'organismes, qui résistent justement. En tout cas, chez en Inde, là, il y en a beaucoup qui ont manifesté contre ça. Alors, si on veut en savoir plus. Bah, moi, en fait, c'est ça. Je vous invite à taper sur Internet Le Monde selon Monsanto, qui est un documentaire, très, très, très bien fait. Qui en apprend beaucoup, qui est rempli d'informations. Donc c'est un documentaire qui a été diffusé sur Arte, qui est disponible partout sur Internet. Mais Le Monde selon Monsanto, c'est aussi le titre d'un ouvrage de Marie-Dominique Robin, qui parle des mêmes sujets, qui passe par les mêmes polémiques. Et donc voilà, ces deux ressources, c'est vraiment des ressources très précieuses qui dénoncent en fait le panel des techniques inhumaines que Monsanto utilise pour en fait assurer son monopole mondial de la biotechnologie. Vous pouvez aussi aller voir les discours de José Bové, qui est un politicien français qui est farouchement opposé à la culture OGM et aux pratiques de Monsanto. Et aussi, vous pourrez aller voir ça sur le site d'Attaque, également Attaque France, qui a toute une rubrique anti-OGM. Alors, merci Nicolas, on va suivre ça de près aussi. Et donc, merci de nous avoir dressé un visage inhumain de cette compagnie Monsanto. J'ai pas envie de dire que ça fait plaisir. Non, mais il faut quand même en parler. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Et merci à Jeanne Gutiérrez, qui est à la mise en onde aujourd'hui, à Cédric Leterme et à Nicolas Montrand pour leurs interventions et chroniques superbes encore une fois. Merci à vous deux. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont toujours disponibles via le site de CKRL. Donc, je rappelle l'adresse. Donc, c'est le www.ckrl.qc.ca. Également, c'est également sur le site d'Attaque Québec et compte tenu que en ce moment, Attaque Québec est en campagne de recrutement. Alors, si vous êtes intéressé pour à devenir membre, donc membre d'Attaque Québec, je vous invite à le faire à l'adresse suivante www.quebec.attaque.org. Alors, vous allez également retrouver toutes les informations sur notre organisme et ses actions. Je vous rappelle aussi, nous attendons toujours vos multiples commentaires et idées et suggestions. Si vous voulez en entendre, avoir un sujet que vous aimeriez entendre parler à l'émission, c'est possible. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, en ce superbe vendredi, un autre beau vendredi. Et pour une nouvelle édition du Grain de Sable, vous étiez avec Valérie Blouin au micro. Et je vous laisse en compagnie de Jean-Baptiste Duvigneau et également de son comparse Ghoul Wendy, qui sera à ses côtés, avec l'émission 100% Dynamite, tout de suite après la pub, toujours sur CKRL. Alors, cette superbe radio qui cultive tes goûts. Bonne soirée!